Appelle-nous pour ta scène, beaucoup de l'arsène à fouler tout tassé. Si t'as pas l'âme saine, goûte à l'absinthe, laisse-le tout passer. Avec le cerveau en déroute, gros tu vas aller où? Toi t'es ouf, si tu crois que la route est toute tracée. Bref, complètement décourdi, mais quand même loin des ambiances où ça cale des pourpifs. Dans le sud-ouest au bercail, viens taper la collade. Sud-ouest au merta en collab avec le collage. On peut cramer Toulouse, perché sur les bords de Garonne. Tu verras mon blaze gravé sur la carrosserie de ta bagnole. On attend plus la cagnotte, on veut rôder le monde entier. Mais pour l'instant le banquier ne fait qu'alourdir la note. Salé, ça y est sachez que ça fait mal et coûte cher. C'est pas évident de se dire qu'on est pas né pour perdre. Tout débat les roosters, moi j'ai fait mon choix. Je m'éloigne des gars qui claquent des doigts et font tomber douze. Et voilà que le temps passe, un jour sans nous a pris en bus. On enchaîne quelques concerts et de là on a pris en douce. Loin de l'argent et des tasses, on veut juste un mic pour poser. On est loin d'être différent, juste carrément opposé. Ok je pèse mes mots, mais ressens-tu le poids de la frappe? Voir que le respect se gagne quand je vois ces deux mecs qui se tapent. Au merde à sud, wesh pour tous mes chiens sans muselière. Ici c'est Bordeaux, Toulouse, profite amical entre frères. Sud-Ouest, au merda, qu'est-ce que t'as? Déteste-moi mais ne me teste pas. Viens on en reste là, presse le pas. Fils de barge, oui la liste est large. À la prise de l'argent, oui t'es prise de l'argent. Si ça joue les lions, dis-moi qui joue les cages grands. Merde. Jouissons de nos vies en les gâchant. Ça boit, ça fume en évitant sniffer le cacheton. Et après tout nos vies ne sont-elles pas des passe-temps? Comment faire face aux doutes quand le hasard m'agace? Faudrait que je trace ma route avant que le passé me rattrape. Être un homme avant toute chose, c'est la fierté de ta mère. Le petit bonhomme a pris de l'âge, fait qu'à tirer la merde. Sans deck, à bout de souffle, lâche-moi une taf que je prenne une bouffée d'air. Cousin, je cours à ma perte, y'a que le shit qui me dira le contraire. Marqué par les coups durs, je pense pas à mon sortir sans blême. Au merde, ta sud-wesh, on fera lever les bras par centaines. Tu sais que j'ai pas les mots qui viennent, alors je lâche des insultes. Et bien sûr, je te le dis, ma rage est quotidienne. Comment ça va, nickel? Ma vie, je la kiffe comme ça. Oh, y'en a marre de se faire enculer par des plus cons que soi. Déçu des potes qui à l'époque disaient me soutenir. T'en fais pas, leurs coups de pute sont gravés dans mes souvenirs. Au merde, ta sud-wesh, nouveau son de l'équipe. Tu dis que tu veux ma peau. Mais dis-moi franchement, tu vas fumer qui? L'instru, je viens tu méfier. J'emmerde ceux qui ont vu mes pieds. J'aime pas me battre, pour je parle pas. Tu me cherches, tu trouves, même si je vois plus mes pieds. Suffit d'une droite de Kayad, canine et je décale. Pas dans la bouteille, y'a que la famille qui régale. Appelle-moi bébé, mais juste pour te téter le simple. Aidez-moi, j'ai qu'une vie, je le sais, donc j'ai pas de mal à rester simple. Un projet de plus, la main sur le cœur, et je te le dis pile au mec. Une roulette russe, une vie sans peur sur plus de 1000 km. Ouais, le rap, c'est ma paire de bottes quand il pleut. En période de doute, parlant de quand j'étais type complètement pété au collal et au vapeur de oui. Pendant une bonne déconnade, le diable, j'ai pas peur de lui. Je vois que la mifa qui m'entoure et blague par mes gardes. Même si tu crois savoir, non, ne bague pas mes gars. Le check est amical, des kamikazes qui manitare les rimes. On a connu bien trop tôt ceux qui épargnent les rires.